بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث السادس بعد المئة. الصنصيم حديث أكيد داني حديث ذا سباب كي celui de la sutra. Celui de la sutra, c'est-à-dire l'objet que l'on pose devant soi pour empêcher les gens de passer. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Selon Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit qu'elle dormait devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que ses jambes étaient en direction de la Qibla, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se prosternait et il avait devant lui les jambes de Aïcha. D'accord? Les jambes de Aïcha. Et lorsqu'il se prosternait, elle dit qu'il me faisait signe afin que je retienne mes jambes. Car la maison était petite et étroite. Il n'y avait pas la place pour que lui puisse être en prosternation et qu'elle puisse rester avec les jambes étendues. Donc il faisait signe sûrement avec sa main, en la touchant pour faire comprendre de plier ses jambes. Et donc elle le faisait. Et lorsqu'il se relevait, c'est-à-dire du soujoud, je les étendais à nouveau pour être en position plus confortable. Et elle dit que les maisons à cette époque-là n'avaient pas de fenêtres. Les maisons, à cette époque-là, n'avaient aucune fenêtre. Yaqul Fadilat al-Shi'a ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Rawi Umm al-Mu'minin Aisha. Donc, le rapporteur du hadith, c'est Aisha. Moudou al-Hadith, le sujet du hadith, Bayin Hukm istiqbal al-Musalli lil-Mar'a. C'est le jugement de faire face à une femme lors de la salat. Qu'est-ce qu'on devant nous? Yaqul Fisharh al-Ijmali. Tughbiru Aisha. رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في الليل. Donc elle informe Aïcha رضي الله عنها que elle dormait devant le Nabi صلى الله عليه وسلم lorsqu'il lui faisait la salade de nuit. تمد رجليها بينه وبين موضع سجوده. Et qu'elle étendait ses jambes entre lui et le lieu son lieu de prosternation. فإذا أهوى للسجود غمزها فقبضت رجليها. Donc lorsqu'il se prosternait, il lui faisait un signal pour lui demander de replier ses jambes. Pour qu'il ait la place de pouvoir se prosterner. Ou est-ce qu'on a dit Et lorsqu'il se levait, elle retendait ses jambes. Et son excuse en cela, bien el bouyot yomaizin le safiha suruj. Donc elle disait ce qui faisait qu'elle était obligée d'agir de la sorte, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas anticiper la prosternation du Nabi, c'est que dans les maisons il n'y avait pas de fenêtre. Donc elle ne pouvait pas voir les actes du Nabi. Et quand même, ce serait une salade de nuit, quelqu'un pourrait dire c'est la nuit, elle ne voit pas. Afouen, Masabir, c'est des. Afouen. J'ai mal lu. C'est des lanternes. Naam. Afon wahimto. Quand je dis masabir, j'ai dit fenêtre. C'est vrai que les fenêtres pendant la nuit, ça n'a pas de sens. À part une nuit de pleine lune, ça n'a pas de sens. Masabir, c'est misbar, c'est des lanternes. T'as même des lanternes. D'ailleurs, il le dit dans le char, il dit suruj. Suruj, ce sont des lanternes. Des choses qui éclairent dans la maison. Donc elle s'excusait qu'il n'y avait pas, t'as même de lanternes dans la maison. Qu'elle ne pouvait pas voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se prosterner. Fa takuf rijlayha an sujudihi min ghayri an tuwajjihahu ila ghamziha. Donc lorsqu'il se prosternait justement, elle s'excusait qu'elle ne pouvait justement plier ses jambes sans que Nelul lui indique, car elle ne voyait pas ce qu'il faisait. Tayyib. يقول في فوائد الحديث أصل موجود الحديث جواز الصلاة إلى النائم qui lui permet de faire la salat d'avoir devant soi quelqu'un qui dort. ثانيا جواز استقبال المصلي المرأة وأن ذلك يقتضي الصلاة qui lui permet de faire face à une femme lors de la salat et que cela n'annule pas la salat. Ne la coupe pas. On avait expliqué que ce qui est coupé, c'est son passage qui passe devant toi. D'accord, qu'une femme passe devant toi, une femme pubère. ثالثا جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها qui lui permet de bouger dans la salat pour un intérêt car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a touché avec sa main pour lui faire comprendre qu'il se prosternait Donc il devait bouger pour cela. Rabi'an husn ma'ashat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mu'ashirat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam et ahlihi, qui montrait le bon côté, la bonne vie conjugale dont faisait preuve le nabi sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme. Khamisan i'tizar al-insan amma yakhsha minhu al-lawm alayhi, et que la personne s'excuse d'une chose qui pourrait lui être reprochée. Le fait qu'elle ait dit à Aïcha qu'il n'y avait pas de lanterne, ce qui l'empêchait de voir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam devait se prosterner et qu'elle devait replier ses jambes. Et sans compter également le fait qu'elle dormait. فهذا الذي أخذنا اليوم وبهذا الحديث كملنا هذا الباب نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.